Deuxième partie. Premièrement, Septimanie. Le goût des autobiographies, des mémoires et des confessions ou confidences qui, comme une maladie périodique, se rencontre de temps à autre dans notre siècle, était devenu une fureur dans les dernières années du siècle précédent. L'exemple de Rousseau n'eut pas toutefois d'imitateur plus hardi que restif. Il ne se borna pas à faire de ses aventures et de celles de personnes qu'il avait connues le plus grand nombre de ses nouvelles et de ses romans. Il en publia le journal exact et minutieux dans les 16 volumes de M. Nicolas, ou le cœur humain dévoilé. Et non content de ce récit, il en répéta les principaux épisodes sous la forme dramatique. De là une douzaine de pièces en 3 et 5 actes, remplissant 5 volumes, et dont il est sous divers noms le héros éternel. Si loin que nos auteurs modernes poussent le sentiment de la personnalité, il reste encore bien en arrière de l'amour-propre d'un tel écrivain. Nous l'avons vu déjà lisant dans les salons des grands seigneurs et des financiers du temps les aventures scabreuses de sa vie, dévoilant ses amours comme ses turpitudes et les secrets de sa famille comme ceux de son ménage. Une audace plus grande encore fut d'écrire la série de pièces qui n'intitule « Le drame de la vie » et de les faire représenter dans diverses maisons, tantôt par des acteurs de la comédie italienne qu'on engageait à cet effet, tantôt à l'aide d'ombres chinoises qu'un artiste italien faisait mouvoir, tandis que lui-même se chargeait du dialogue. Il est impossible de mieux s'exposer en sujet de pathologie et d'anatomie morale, et malheur à ceux-là même qui assistaient complaisamment à ce dangereux spectacle. Il ne songeait guère qu'il prendrait place un jour dans ce cadre éclairé d'un reflet de la vie réelle, avec leurs profils hardiment découpés, leurs ridicules et leurs vices, qu'un baladin les ferait mouvoir, les ferait parler avec les intonations même de leur voix, se servant des paroles qu'ils avaient dites tel jour, dans telle rue, dans tel salon, dans telle société, plus ou moins avouables, en présence de l'impitoyable observateur. Qui lui fit la société d'un tel homme, si l'on avait prévu qu'après s'être publiquement avili, il s'en vengerait sur les railleurs, sur les admirateurs, sur les simples curieux même? À chacun de vous, il répéta, quid rides, dete fabula narratur. Il pénétrera dans vos hôtels princiers, dans vos alcôves, dans le secret de ces petites maisons si bien fermées, dont il aura su toute l'histoire en séduisant votre femme de chambre ou en se rencontrant au cabaret avec votre Suisse ou votre Grison. Tel était l'homme soutenu jusqu'au bout, il est vrai, par cette étrange illusion qui ne lui montrait que le devoir d'un moraliste dans ce métier d'espion romanesque et sentencieux. Ce qui manqua toujours à Restif de la Bretonne, ce fut le sens moral dans sa conduite, l'ordre et le goût dans son imagination. Un orgueil démesuré l'empêcha même de ne jamais s'en apercevoir. Toujours il attribue à ses vices, soit au tempérament, soit à la misère, soit à une certaine fatalité, qui ne laissant jamais ses fautes impunies, lui en garantissait par cela même l'absolution. Ceci faisait partie d'une sorte de religion qu'il s'était faite, et qui supposait dans toutes les souffrances de cette vie l'expiation de toutes les fautes. Un tel système conduisait à tout se permettre, si l'on voulait se résigner à tout souffrir. Ce n'est qu'à titre d'épisode entre les amours de jeunesse de Nicolas et celui qui clôtura bien tristement sa carrière amoureuse que nous allons citer encore 2 aventures, dont le contraste est remarquable. Il est nécessaire pour les admettre de se reporter en idée à cette étrange débravation de la société du XVIIIe siècle, dont certains romans tels que Manon Lescaut et Les Liaisons dangereuses offrent un tableau qui paraît ne pas trop s'éloigner de la réalité.